Douiman. Merci de nous rejoindre sur Isanganiro. Voici les grands titres de ce journal. Un réseau de journalistes exerçant dans les provinces du nord du pays a été créé en vue notamment de procéder au renforcement des capacités des jeunes dans le métier. L'impunité dont jouissent les auteurs des violences conjugales est l'une des causes de la recrudescence de ces cas, d'après Joseph Mujiji, consultant en équité genre sur l'aspect famille. Il estime que l'administration à la base doit jouer un rôle prépondérant pour lutter contre ces violences. Alors que la finale d'Isanganiro Award est prévue ce samedi, le président du comité d'organisation de cette compétition musicale demande aux artistes retenus d'appeler leurs fans à voter massivement pour maximiser les chances d'être choisis comme meilleur chanteur de l'année. Voilà pour le sommaire. Captez Isanganiro, écoutez la différence. Création ce jeudi en Ngozi d'un réseau de professionnels professionnels de médias de la nouvelle province de Boutagnerera. 36 membres fondateurs, dont deux prêtres chargés de la communication diocèse catholique de Ngozi, ont participé à l'assemblée constituante de ce réseau. Jean Bosco Ndaïra Guigé, représentant légal élu, indique que parmi les objectifs figure le renforcement des capacités des jeunes journalistes des provinces du Nord. Apollinaire Moutsakara. Comme l'indique Jean Bosco Ndaïra Guigé, élu représentant légal de ce réseau des professionnels des médias de Boutagnerera, les formations en matière de journalisme font défaut dans cette localité, alors que des jeunes journalistes fréquentent en masse ce métier. C'est l'une des raisons, selon lui, qui a poussé les journalistes de cette région à mettre en place le réseau des professionnels des médias de Boutagnerera, RPMB en sigle. Des séances de renforcement de capacité pour les anciens journalistes sont envisagées, selon toujours ce représentant légal. Il y a également, d'après lui, la création des projets pouvant rendre autonome financièrement ce réseau. L'assemblée constituante du RPMB a vu la participation des journalistes des provinces Ngozi, Kayanza et Kirundo, et ce réseau reste ouvert aux nouveaux adhérents de la province de Boutagnerera, d'après toujours ce représentant légal. Parmi les membres se trouvent les abbés Lambert Liazimana et Jean-Edenge Ndakumana, chargés de l'information et de la communication au diocèse catholique de Ngozi, respectivement élu conseiller et président du conseil de surveillance. Ngozi, Apone Muzagara, Radio Isanganiro. Merci Apollinaire. L'impunité dont jouissent les auteurs des violences conjugales est l'une des causes de la recrudescence de ces cas. D'après Joseph Mujiji, consultant en équité genre sur l'aspect famille, qui souligne que l'autre cause est liée au système patriarcal mal interprété, où la plupart tirent de ce système les points négatifs. Pour lui, autrefois, les hommes évitaient de tomber dans ces erreurs par crainte d'être déconsidérés dans la communauté. Joseph Mujiji réagit à la recrudescence des cas de violence conjugale à travers le pays. Suivez ses explications. Aujourd'hui, s'observent ces violences parce que dans le vécu des gens, personne n'arrive à contrôler l'autre. Alors que dans le passé, l'homme était contrôlé par ses pères, la femme par ses pères, pour les personnes. Dans la vie courante, quand un enfant a un petit problème, ou quand un enfant commet une petite faute, on a toujours recours à la violence, frapper, injurier, avec des mots durs qui blessent. Et cet enfant va grandir dans un milieu familial où il y a de la violence. Peut-être aussi que ses parents font de la violence entre eux, entre l'homme et la femme, jusqu'à en arriver aux mains, à frapper ou à blesser un des parents. Tout ça, ça fait que l'enfant va magasiner. C'est une blessure qui va l'entrer dans son éducation. Il grandit là avec. Toutes ces violences peuvent se poser à question d'où ce qu'elle vient. Elle vient de notre système patriarcal, très souvent mal interprété. Le système patriarcal en soi n'est pas mauvais, mais le système patriarcal, la primauté ou la prééminence de l'homme ne devait pas être un problème. Tout devait en profiter pour que ce soit un bon système où l'homme joue son rôle. Mais on tire de ce système les questions négatives de répression, d'inégalité, dans les droits comme dans les devoirs aussi. Joseph Mujiji trouve que l'administration à la base devrait s'impliquer davantage pour éradiquer ces violences. Encore une fois, on l'écoute. Comme institution de base, on doit faire des programmes qui soient orientés vers la paix et le développement dans les familles. Et ces familles doivent être encadrées dès la colline, dès la sous-colline à la colline et au niveau de la commune. Et aussi, pour qu'on puisse avoir une bonne entente dans les ménages, ça doit faire partie de notre éducation civique, ça doit faire partie de notre système de fondation des couples, que ce soit dans les églises, que ce soit dans les confessions, les relations basées sur la foi, qui donnent les bénédictions pour les couples, et aussi dans les communes, qu'on leur donne un modus operandi dans un ménage. Il faut que, alors, au niveau de la base, au niveau de la colline, ou de la sous-colline, il y ait une instance d'encadrement des chefs de colline ou bien dans le conseil collinaire, qu'il y ait quelqu'un qui s'occupe des ménages et que ceux qui s'occupent des 10 maisons sachent que leur rôle est d'administrer et de suivre ce qui va dans les ménages. Joseph Mujiji, il est consultant en équité genre sur l'aspect famille. Isanganiro, la radio de l'avenir. L'insuffisance de l'eau ainsi que le retard dans l'acquisition des fertilisants, tels sont les défis auxquels font face les riziculteurs du marais de Nyeshing et sur la colline Kabo de la zone Muyangé en commune Nyanzalak, c'est dans la province de Makamba. Ils craignent par conséquent la baisse de la production. Selon l'agronome zonal de Muyangé, ce problème d'eau est connu des autorités concernées. Élise Kwizera. Comme l'indique ce riziculteur référent dans le marais de Nyeshing sur la colline Kabo, zone Muyangé, commune Nyanzalak en province de Makamba, les défis liés à l'insuffisance d'eau et le retard dans l'acquisition des fertilisants de l'usine FOMI constituent un problème majeur. Bien qu'ils essaient de partager l'eau disponible, ils font savoir que tout le monde ne peut être satisfait. Et à propos des fertilisants, ils déplorent qu'un cultivateur ayant un champ de 2 hectares par exemple peut bénéficier d'un sac de fertilisants à moitié rempli. Malgré le paiement du solde pour ces fertilisants organominéraux, Aline Nyonizigiye, représentant l'association des producteurs de semences Tugwizumucheri, figurant parmi les riziculteurs opérant dans son marais, dit que tous ces défis entraînent la baisse de la production. Il demande l'aménagement de son marais et la régularité dans la distribution des fertilisants. Jean-Marie Manilakiza, agronome zonal de Muyangé, signale que le problème d'eau dans son marais est déjà soulevé aux différentes autorités en charge de l'agriculture. Il annonce que dans son marais, le riz est cultivé uniquement pendant la saison pluvieuse, alors que s'il y avait suffisamment d'eau, il serait cultivé en 2 saisons. Signalons que le marais de Nyeshing compte 85 hectares. De Makamba, Élisée Kwizera, Radio Isanganiro. Merci Élisée Kwizera. Le groupe musical Gospel MTC boucle la série de reportages que vous avez suivis tout au long de cette semaine sur les artistes musiciens burundais dont les chansons sont parvenues à la phase finale de la 13e édition des Sanganiro Awards. Ce groupe de 6 chanteurs originaires de la commune Muha, mairie de Bujumbura, se retrouve dans cette compétition avec leur chanson Zoé. On fait le point avec Jérôme Hakizimana. More Than Conquerors, MTC en sigle, est un groupe d'artistes gospel composé de 4 garçons et 2 filles ainsi que 3 managers, tous de la province de Bujumbura Mairie, commune Muha, réunis pour proclamer la bonne nouvelle de Christ à travers leur talent musical. Le nom du groupe MTC vient d'un verset biblique se trouvant dans Romains 8, verset 37, dont la version anglaise dit « Nay in all those things, we are more than conquerors through him that loved us » en français. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Les chansons du groupe MTC sont notamment en style hip-hop, R&B et rap. Depuis 2016, le groupe MTC a environ 25 chansons audio et vidéo, soit 2 albums sur leur chaîne YouTube et d'autres plateformes musicales. Durant toutes ces années, MTC a pu remporter différents prix et trophées sur certaines de leurs chansons, dont Pamoja Awards pour la meilleure révélation de l'année, le prix de la compétition Age Fest organisée en 2020 pour le meilleur groupe gospel dans toute l'Afrique de l'Est et le prix de l'Age S pour le meilleur groupe de l'année. Dans cette même période, le groupe MTC a déjà organisé 3 grands concerts qui ont eu lieu respectivement en 2016, 2020 et 2022. Il a aussi fait une tournée dans les provinces du nord du Burundi, dont Kayanza, Ngozi et Gitega. Parmi les chansons du groupe MTC qui restent gravées dans la mémoire des consommateurs de la bonne musique figurent notamment Waranchunguye, Ikizili Sumutima, Ashoboye Byose, Jehova, Umuvieyi et Zoé. C'est d'ailleurs cette même chanson Zoé qui dispute le titre de la chanson de l'année sur la radio-télévision Isanganiro à travers sa compétition Isanganiro Award 13e édition. Le groupe MTC utilise presque toutes les plateformes musicales déjà opérationnelles au Burundi, dont la promotion et la vente de leur musique. Les préparatifs de la finale de la 13e édition des Sanganiro Awards prévue ce samedi vont bon train, d'après Eric Ndouayo, président de la commission d'organisation de cette compétition musicale. Il appelle les artistes dont les chansons ont été retenues pour la phase finale de convaincre, s'il en était besoin, leurs fans de continuer à voter en leur faveur pendant le moment qui nous sépare de la clôture des votes. Eric Ndouayo leur demande aussi d'user de fair play en cas de défaite. Les préparatifs vont bon train parce que nous sommes presque à la phase finale de cette compétition. La logistique est là. Le personnel de la radio Isanganiro se prépare activement pour que cet événement soit une réussite. Les invitations ont été déjà distribuées. Le côté artistique, les artistes sont prêts à nous agrémenter pour ce jour-là. Je pense que totalement tout est prêt. Ce que nous attendons, c'est juste que le temps soit arrivé et qu'on débute avec la finale du Isanganiro Award 13e édition. Cette finale va commencer à quelle heure? L'organisation, la compétition Isanganiro Award pour demain, ceux qui veulent nous suivre, ils n'ont qu'à nous écouter sur les ondes de la radio Isanganiro à partir de 17h. Nous serons live sur Isanganiro. Nous sommes sur 89.7 et 101 MHz. Pour ceux qui vont nous suivre sur notre chaîne télévisée, c'est sur StarTimes 132 et 790. Pour ceux qui vont nous suivre sur nos plateformes comme Facebook, ils n'ont qu'à chercher Radio Télévision Isanganiro sur Twitter ou X, c'est RT Isanganiro, avec aussi notre plateforme de StatTimes. Nous serons live et le public est invité à nous suivre et savoir exactement le déroulement des activités et pouvoir féliciter tout le monde, y compris aussi les perdants, parce que c'est comme ça la compétition. Quel est le message à l'intention des artistes qui sont en compétition? D'abord, il faut qu'ils soient confiants de leur réalisation pour arriver à la finale de la compétition Isanganiro Award. Il faut avoir du courage, il faut être un artiste brillant et talentueux. Donc, pour tous ces artistes qui sont en compétition, qu'ils sachent qu'ils sont forts, qu'ils ont du talent et qu'ils peuvent exploiter ce talent qui se manifeste en eux. Il faut aussi qu'ils sachent que c'est une compétition où il y a le gagnant et le perdant. Et quand aux amateurs de la musique, quel est le message? C'est de nous suivre sur les différentes plateformes, comme je venais de le dire tantôt. Et aussi, qu'ils continuent à supporter les artistes, qu'ils continuent à manifester leur soutien à leur endroit et de continuer, bien sûr, de tout faire pour que ces artistes se sentent entourés des personnes vraiment qui les aiment beaucoup. Eric Ndouayo, président du comité d'organisation de la compétition Isanganiro Award. Et c'est par là que nous bouclons ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi.